femme de marin, ou d'instructeur, de consultant, de voyageur de commerce, c'est du pareil au même. Le business chez Don White Consultant Incorporated est en phase d'envol. Il va falloir engager et former des instructeurs d'urgence. Pour l'instant, Maxime est le seul employé à couvrir les secteurs européens et canadiens. Les commandes pour des cours en entreprise sont en hausse constante, de même que les consultés. On ne dirait pas que les 30 glorieuses sont en voie d'extinction. Au contraire, les séminaires publics annoncés en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en France se vendent comme des petits pains. Les élèves se bousculent. La compatibilité électromagnétique est LA science qui monte en ce début des années 80. Ce qui n'est pas surprenant au vu du développement des ordinateurs individuels. La compagnie ne sait plus où donner de la tête. Ils ont tellement de travail qu'ils n'ont pas le temps de recruter, encore moins de faire passer des entretiens d'embauche. Avant de repartir en Europe, Maxime poursuit l'éducation de Faustine, lui donnant quelques précieuses règles de survie. En effet, il s'avère que le système judiciaire américain est beaucoup plus sévère que le français en matière de conduite. Il en sait quelque chose, lui qui avoue avoir dû repasser son permis après plusieurs excès de vitesse. Sur les routes secondaires, tu devras respecter l'interdiction de tourner sur route quand tu verras le signe U-turn barré. U-turn barré. Même si tu t'es trompé de direction ou si tu veux juste rejoindre les boutiques d'en face, et tant pis pour le détour, si une voiture de police te suit et actionne sa sirène, tu te ranges sur le bas-côté et tu attends. Tu laisses tes mains bien en vue sur le volant. Tu ne sors jamais du véhicule. Il te tirerait comme un lapin en fuite. N'oublie pas qu'on est dans un pays de cow-boys à la gâchette facile. Tu es quelqu'un qui rentre chez toi par effraction et considéré comme légitime défense, même s'il n'a pas fait exprès. Comme ça, je saurais comment me suicider. Mais tu trouves pas que c'est paradoxal un tel sens de la propriété privée quand il n'y a de clôture quasiment nulle part? J'aime bien les pelouses en pente douce jusqu'à la route, remarque. C'est plus joli que nos affreuses haies de tuya. Cherche pas à comprendre. Pour en finir avec ces histoires de bagnole, si tu tombes en panne, tu coinces un mouchoir dans la vitre côté conducteur. C'est le code officiel de signalement. Tu fermes la voiture à clé, tu marches jusqu'à la prochaine borne de dépannage. Interdiction de faire du stop, c'est clair? C'est beaucoup trop dangereux avec les cinglés qui circulent de nos jours. Sir, yes, sir. Très bien. D'ailleurs, des bornes, il y en a tous les 2 ou 3 kilomètres. Même pour toi qui déteste marcher, ce n'est pas la mort. T'appuies sur le bouton d'appel et on t'envoie une dépanneuse. Well, je pense qu'en situation de survie, je saurais toujours me débrouiller. Ah, j'allais oublier. Si tu vois un bus scolaire s'arrêter, tu sais, ces gros machins jaunes, tu fais pareil. C'est obligatoire dans les deux sens, même quand il y a un talus au milieu. Tu attends que tous les gamins soient sortis et que le bus ait redémarré. Mais ça, si t'es dans une queue, tu comprendras vite. Et surveille bien les panneaux. En zone scolaire, c'est 35 miles à l'heure, pas plus. D'accord. C'est tout? À peu près, oui. Sache aussi que si t'as un accident ou que tu tombes en panne, tu es coupable d'office. Tu payes une amende, des fois tu dois même retourner prendre des cours. Alors fais gaffe, évite de rouler bourré ou de perdre le contrôle. Compris. Bah dis donc, c'est sévère l'Amérique. Je m'y attendais pas à ce point. Dire que l'autre fois on a pris l'apéro dans leur voiture avec Don et Colin. Sans doute. Mais avec tout ça, il y a nettement moins d'accidents que chez nous. Au fait, Martine m'a téléphoné hier, tu sais, cette amie qui habitait en face de chez mes parents à Oudan, près de Paris. L'architecte qui a immigré au Québec? C'est ça. Elle a envie de venir passer quelques jours chez nous. Seulement c'est la semaine prochaine, pile quand je serai absent. Faudra que tu ailles la chercher à la gare routière à la sortie de Manassas, que tu la distrailles un peu. Elle est en plein chagrin d'amour, va falloir jouer les assistantes sociales. Tu pourras? Comme tu y vas. Ok, je verrai ce que je peux faire. J'ai rien contre un peu de compagnie pendant ton absence. Je pense pas que Colin va me prendre en pension cette fois. Et ça m'empêchera pas de chercher du boulot. Évidemment. Fais-moi penser à te bricoler des affichettes. Tu les poseras au supermarché. Tu pourras même passer une annonce dans le journal de Warrenton si ça suffit pas. Sans blague pour du travail au noir? Qu'est-ce que tu crois? Personne n'ira vérifier? Il y en a tellement. Mais commence peut-être par les commerces locaux. Bonne idée, je pourrais faire tout ça quand Martine sera là. À ta place, j'attendrai pas. Ce qui serait bien quand elle sera là, c'est que vous alliez passer votre permis de conduire américain. Ça te pourvoit d'office d'un numéro de sécurité sociale et te servira de papier d'identité. Et si j'allais me présenter dans ce restaurant français en ville, tu sais, le 67 Waterloo, tu viendras avec moi? Of course, dès que je sors du boulot, si tu veux. Dont acte. Le soir même, ils sont dans le bureau de Philippe, le patron du restaurant. Pour une fois, pas de problème de langue. Le boss est à moitié français du côté de sa mère. C'est bon de pouvoir se faire comprendre facilement. Il est effectivement à la recherche d'une cuisinière, car ses chefs, Bridget et Allison, sont enceintes. Il ne peut pas se plaindre, dit-il en riant. Allison est sa femme, déjà mère de deux petites filles. Elle ne reviendra peut-être pas travailler après son troisième enfant. Il questionne la nouvelle recrue. Vous savez cuisiner un bœuf bourguignon? Bien sûr. Et une blanquette? Aussi. Une dacquoise? Non, qu'est-ce que c'est? Vous apprendrez. Vous pensez que vous pourriez gérer la cuisine toute seule pendant quelques mois, pendant le congé maternité de Bridget? Toute seule? Franchement, non. Je n'ai fait que 3 mois d'école de cuisine, c'est insuffisant. Je peux seconder efficacement, mais pas assumer l'entière responsabilité. Désolée. Je vais réfléchir alors, mais je garde vos coordonnées. La poignée de main est franche et chaleureuse. Dommage pour Faustine, elle aurait eu plaisir à travailler dans ce bel endroit. Tout est meublé avec goût. Par certains côtés, les balcons, les colonnades, on se croirait dans une plantation. Sur le chemin du retour, Maxime a, pour une fois, l'élégance d'éviter de lui seriner. Je te l'avais bien dit qu'il fallait terminer ton stage de 6 mois. En revanche, si toi à la maison, il se lance dans l'élaboration de ravissantes affichettes. Un bonnet de cuistot et côtoie quelques instruments de cuisine joliment placés entre les informations. New in town, French cuisine, your own chef at home. Nouveau en ville, cuisine française, votre propre chef à domicile, téléphone, adresse, etc. Le tout du plus charmant effet. Le lendemain, Faustine, enchantée, après en avoir tiré des copies, pose ses cartes de visite un peu partout. Dans la vieille ville de Warrenton, elle lie connaissance avec plusieurs commerçants. La fleuriste, la gérante du magasin tout à 1 $ et surtout la propriétaire de la boutique de cadeaux souvenirs et épicerie fine, une Anglaise prénommée Judy. Toute la bonne société de Warrenton se fournit chez elle en fromage, charcuterie et marmelade. Elles vont même des petites cocottes en fonte Le Creuset. Faustine se promet une fréquentation assidue des lieux. Elle compte bien s'en faire une amie. Sa tournée achevée, elle rentre chez elle, attendre la gloire, auprès de son téléphone. Un truc étrange d'ailleurs, cet appareil, pas tout à fait comme en France. Maxime le lui a sommairement expliqué. Quand tu as le numéro, tu le formes comme chez nous. Si tu ne l'as pas, tu composes le 0 puis le 1. L'opératrice te répond. Tu lui donnes la ville ainsi que le nom de ton correspondant. Elle fait les recherches et te met en relation, exactement comme chez nous autrefois. Souviens-toi de Fernand Reynaud et le 22 à Asnières. Si par hasard tu dois appeler d'une cabine, munis-toi de petite monnaie. L'opératrice te donnera le montant exact de la communication à insérer dans l'appareil. Et si j'ai pas d'argent? Tu peux appeler en PCV, mais si tu tiens à payer toi-même et que tu es abonné, tu peux demander qu'elle ajoute la communication à ta facture mensuelle. Toutes les factures que tu reçois sont détaillées, sauf si tu le refuses expressément. Et pourquoi je le refuserais? Je sais pas, moi. Si tu ne veux pas que je connaisse le nom de tes amants, par exemple. Ah, ah, ah, tu as raison. Et idem avec tes maîtresses, sans doute. Au fait, quand est-ce que tu me présentes la fameuse Jane dont tu m'as tant vanté les charmes? Bientôt, mais pas avant mon retour d'Europe. J'ai trop de boulot. Ça, c'est ce qu'on verra, se dit Faustine en aparté. S'il s'imagine que je le laisserai mettre ses conquêtes au chaud sans rien dire, il se fait des illusions, mon lascar. Je vais aller désamorcer ça rapidos. Je suis sûre que Colline la connaît. Je saurais bien lui tirer les vers du nez. Ensuite, je ferai comme avec Mireille, je me la mettrai dans la poche. Le soir, pendant que Maxime prépare son sac, Faustine mitonne des choux farcis à la viande hachée. Demain matin, elle accompagnera à Deleuze, puis rentrera à attendre les commandes de ses clients potentiels. Elle espère n'avoir pas trop de mal à se faire comprendre. Son grand souci, c'est d'arriver à épeler son nom à l'américaine. Tiens, ça lui rappelle une blague qu'elle aime bien. Une jeune et jolie postière demande à un voyageur étranger au nom impossible. « Vous m'épelez, monsieur ?» Le voyageur, ému, lui répond « Oh oui, vous aussi, vous m'épelez beaucoup, mademoiselle !» Pendant les années à venir, Faustine se heurtera toujours à ce problème d'accent. Épeler Malikian est un véritable parcours du combattant. M-E-L-I-K-I-A-N. Maxime est parti. Faustine, de retour de l'aéroport, écrit à ses parents. Sa lettre achevée, timbrée, elle la pose dans la boîte aux lettres, plantée sur le bord de la route. Elle relève le petit drapeau rouge qui se trouve sur le côté, afin de prévenir le facteur qu'il doit récupérer sa missive. Elle a entendu dire qu'un jour on enverra du courrier par satellite. Mais en mars 1981, nous n'en sommes pas là. Ces pratiques ingénieuses et créatives que Faustine découvre chaque jour la ravissent. C'est ce qui fait tout le sel de son expatriation. Elle n'est pas ici pour la politique ni pour écrire une thèse d'anthropologie, quoique. Elle est venue à la rencontre de ce peuple étrange qui l'avait tant fascinée dans le Lys de Brooklyn.